بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va lire quelques fatwas encore une fois dans le livre Al-Ijabat al-Muhimma fi al-Mashakil al-Mulimma de Cheikh Saleh al-Fawzan. Aujourd'hui on lit la partie 18. La question qui a été posée au Cheikh al-Su'al, هل يصلح للقائم على النشاط المدرسي أن يربي طلابه تربية جهادية وذلك بأن يسمي مجموعاتهم بأسماء الغزوات ويعرض عليهم أخبار المجاهدين في الشيشان وغيرها ويعرض عليهم أفلام الفيديو التي تعرض صور بعض المعارك والشهداء ويسمعهم الأناشيد الحماسية التي تحث على الجهاد؟ الجواب: المعلم مؤتمن، الواجب عليه أن يدرس الطلاب المنهج الذي بين أيديهم ويوضحه لهم ويدرسهم الفقه والتوحيد والنحو والحديث والتفسير والقرآن، ولا يخرج بهم عن ذلك إلى أشياء لم يبلغوها ولا تتحملها عقولهم وتشغلهم عن دروسهم، فيتجنب هذه الأشياء ويقتصر على تدريسهم الدروس التي قررت عليهم، ويكفي منه أنه يفهمهم إياها ويدرسهم إياها، يعني ويؤدي الأمانة التي في ذمته، ولا يقسمهم ويخربهم ويربيهم على المبادئ الحركية التي يحرمهم من تعلم العلم. Donc, ils ont posé la question au cheikh. Ils ont dit que, est-ce que c'est correct que la personne qui s'occupe de la motivation dans l'enseignement, qui est responsable de l'éducation, éduque ses élèves d'une éducation reliée au djihad. Par exemple, il nomme un groupe d'entre eux par le nom d'une des batailles qui s'est produite, et il leur présente par exemple les informations des mujahidines dans la région des Chichen ou d'autres endroits dans le monde, et il leur présente des vidéos, des films qui montrent les batailles qui se sont produites et les martyrs, ainsi de suite. Puis il leur fait entendre aussi des chansons comme des anachides pour inciter les gens au djihad ou des choses comme ça. Donc le cheikh Al-Fawzan a répondu à ce sujet-là. Il a dit que l'enseignant, il a une responsabilité. Ok, il est mu'taman, ça veut dire on lui a donné une amana. Hein, il a une charge sur ses épaules. Il doit rendre le dépôt qu'on lui a concédé. Et donc l'obligation pour lui, c'est d'enseigner à ses élèves le manhaj qui est devant lui. Le programme d'études qui est devant lui, c'est ça qu'il doit enseigner, et il doit leur clarifier ces choses-là. Il doit leur enseigner le fiqh, le tawhid, la grammaire, le hadith, le tafsir, le Coran et toutes ces choses-là. Et il ne doit pas sortir vers d'autres choses qui ne sont pas dans le programme, des choses que leur raison ne peuvent pas encore comprendre ou ne peuvent pas supporter encore, qui va les distraire de ce qui est dans leur cours obligatoire. Donc ils doivent éviter ce genre de choses et se limiter à ce qui est dans leur programme d'enseignement et dans leur cours qui ont été déterminés pour lui, prédéterminés pour eux. Et ça, c'est suffisant pour lui de faire ça, c'est-à-dire de leur faire comprendre ces choses-là et de leur enseigner ces choses-là et de remettre le dépôt qu'on lui a confié, c'est-à-dire les enfants qu'il doit éduquer, de les éduquer correctement. Il ne doit pas commencer à les diviser, puis à les corrompre, à les mélanger avec toutes sortes d'idées et des principes des gens qui sont dans les harakat, comme on dit, les mouvements islamiques, qui vont leur empêcher vraiment de profiter de la science et d'apprendre la science réellement. Une autre question qui a été posée, à Su'al, « Ma hiya dawabitul jihad ?» وهل يجوز اليوم الجهاد أم أنه قتال؟ الجواب: الجهاد إذا دعا إليه ولي أمر المسلمين وكون الجيوش لغزو بلاد الكفار فهذا هو الجهاد. أما بدون راية وبدون قيادة ولي الأمر فهذا لا يعتبر جهادا، يعتبر تصرفا شخصيا، الله أعلم بمآله ونتائجه. إنما الجهاد المنظم القائم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون له راية وله أمير لقتال الكفار ويرجع إلى إمام المسلمين، هذا هو الجهاد الصحيح. Donc le cheikh lui a posé la question: quelles sont les règles du jihad? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui le djihad ou bien c'est seulement des combats ou bien des guerres, des batailles? Le cheikh il répond, il dit: le djihad c'est lorsque le dirigeant des musulmans a appelé les musulmans à combattre, il a formé une armée pour combattre les kuffars, les pays kuffars. Il dit ça c'est le djihad, mais sans qu'il y ait une bannière et un dirigeant, sans que ce soit derrière l'ordre du dirigeant et le commandement du dirigeant du pays, alors dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme étant un djihad. C'est considéré comme une tentative individuelle ou personnelle. Donc ça, c'est pas considéré comme un djihad. Le djihad, c'est comme le cheikh il explique, il dit, c'est lorsque c'est fait derrière une bannière, ça veut dire il y a une bannière, et la bannière de l'islam, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et c'est lorsque c'est fait derrière le commandement du dirigeant. C'est pas des individus qui décident par eux-mêmes de bon ça y est, nous on va aller faire le djihad. Non, ça c'est pas considéré comme un djihad. Et c'est pour ça que les groupes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font là? Quand ils font des attentats, ou bien qu'ils attaquent des gens, ou qu'ils kidnappent des gens, ou qu'ils font des choses comme ça de leur propre initiative, sans que ce soit derrière le commandement d'un dirigeant d'un pays musulman, alors ça c'est pas considéré comme un djihad. Et le cheikh il dit Allahu a'lamu bima alihi wa nata'ijihi. Il dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît réellement les conséquences et les résultats de ce que ces gens-là font lorsqu'ils font ce genre de comportement individuel de cette façon et qu'ils prétendent que c'est le djihad. Il dit le djihad, c'est le djihad, le vrai djihad, c'est uniquement le djihad qui est organisé et qui est établi sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est fait avec une bannière et qui est fait avec un dirigeant pour combattre les kuffars. Et ça revient, cette décision-là revient à l'imam, c'est-à-dire au dirigeant des musulmans, et c'est lui qui est le djihad sahih, c'est-à-dire c'est ce djihad-là qui est le vrai djihad. C'est pas des petits groupuscules qui s'organisent puis qui décident, bon ça y est, nous on va combattre tel ou tel pays ou des choses comme ça. Ça c'est pas considéré le djihad. Après le cheikh il dit, السؤال في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد إمام ولا راية فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ الجواب هذا رأي الخوارج. أما أهل السنة فيقولون لا بد من راية ولا بد من إمام، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج. Donc le cheikh, on lui a posé la question, il dit de ces jours-ci il y a des gens qui donnent comme des fatwas qui disent que le djihad est obligatoire et qu'il n'y a pas de condition. C'est-à-dire, c'est pas une condition qu'il y ait pour que le djihad soit valable. C'est pas une condition qu'il y ait un imam, c'est-à-dire un dirigeant, et c'est pas une condition qu'il y ait une bannière. Et donc, quelle est votre opinion au sujet de cette parole? Et le cheikh Al-Fawzan, il a répondu, il a dit, ça, c'est l'opinion des Khawarij. Ça, c'est l'opinion des Khawarij. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'un imam et qu'on n'a pas besoin d'une bannière pour faire le djihad, chacun il s'en va comme il veut, et il forme un groupe, et chaque groupe il combat comme il veut, comme selon leur opinion, selon leur goût, leur désir. Il dit ça, c'est pas la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a, ça c'est la position des Khawarij. Ça c'est la position des Khawarij. En ce qui concerne la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a, eux ils disent quoi? Ils disent il faut qu'il y ait une bannière et il faut qu'il y ait un imam, c'est-à-dire un dirigeant. Ça c'est le manhaj des musulmans, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça a toujours été comme ça. Donc celui qui fait des fatwas aujourd'hui et qui dit qu'on n'a pas besoin d'imam, on n'a pas besoin de bannière et que chacun suit sa passion, ça c'est la position des khawarij. Donc c'est ça. Le cheikh il dit, il y a une note de bas de page ici, il dit وَقَدْ كَسُرَتْ فِي تِلْكَ الْفَتَاوِي الْمَسْمُومَةِ عَنْ طَرِيقِ شَبَكَةِ الْإِنْتَرْنَتِ وَبَعْدَ الْمَجَلَّاتِ الدَّوْرِيَّةِ الَّتِي تَصْدُرُ مِنْ خَارِجِ هَذِهِ الْبِلَادِ أو من داخلها أو بعض الأشرطة التي تدعو إلى الجهاد وتأمر بالاستعداد له دون أي ضوابط شرعية فهي تدعو إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر وتحت أي راية سواء كانت بعثية أو صوفية أو صوفية قبورية أو غيرها من أهل البدع والضلال وعدم سماع كلام العلماء وعدم سماع كلام العلماء ورده ونبذه أو ورده ونبذه. Ici, qu'est-ce qu'il dit dans la note de bas de page? Il dit, on entend beaucoup de ces genres de fatwas qui sont diffusés par l'internet ou dans certains magazines qui sont publiés à l'extérieur de l'Arabie Saoudite ou à l'intérieur même parfois, ou dans certaines cassettes qui invitent les gens au djihad soi-disant et qui ordonnent de se préparer sans aucune règle de la charia, sans aucune condition de la charia. Et donc, ils ordonnent ou ils invitent les gens à faire le djihad sans la permission du dirigeant et derrière n'importe quelle bannière, peu importe la bannière. Quand on dit la bannière, c'est-à-dire le drapeau ou la bannière derrière laquelle on combat, et ils disent donc peu importe la bannière, c'est pas grave. Depuis qu'il y a un combat, tu t'en vas. Ils considèrent que ça c'est le djihad. Donc ils disent même si c'est une bannière qui est ba'thiya, c'est socialiste ou nationaliste, ou bien soufia kouburiya, c'est-à-dire tu vas combattre avec des gens qui se disent musulmans, mais qui sont des soufis qui adorent les tombes, hein, par exemple, et qui appellent au djihad, soi-disant. Ou bien d'autres groupes parmi les groupes de dalal et des groupes de bid'ah. Donc, ils disent de ne pas écouter les paroles des ulama, puis de les rejeter, puis de les refuser. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce que le cheikh dit, c'est la réalité de qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de jeunes qui sont influencés par ce genre d'opinions là qui sont diffusées partout maintenant sur internet, dans les médias, dans les différents médias comme par exemple les magazines et des choses de ce genre. Donc il faut se méfier, il faut faire attention aux gens qui propagent ce genre de position là et qui suivent la voie des khawarij, qui font le takfir des dirigeants puis qui appellent les gens au djihad mais sans aucune condition. Le cheikh, on lui a posé une autre question, à ce sujet, هناك من يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة ويقول لماذا العلماء يقولون لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في وقتنا الحاضر وأن هذا الوقت أشبه بالعهد الأول المكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة الجواب نعم الجهاد ماض بمعنى أنه لم ينسخ ولكن لا بد أن تتوفر شروطه ومقوماته أو مقوماته فهو ماض أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانيتهم واستعدادهم ولا يقاتلون عدو ثم يقاتلون عدوهم أنت معك مثلا سيف أو بندقية هل تقابل طائرات وقنابل وصواريخ؟ لا، لأن هذا بأس شديد. إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله تقابلهم، أما إذا كان ليس معك شيء لا فلا تقابلهم. قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع. هذا في جهاد الطلب، أما في جهاد الدفع فإنك تدافعهم بما تستطيع. Donc, ils ont posé la question au cheikh. Ils disent, on entend beaucoup de gens qui... Aujourd'hui, il y a des gens qui mentionnent le hadith « Al-jihad ma'adhin ila antaqoum al-sa'a ». C'est-à-dire, le jihad, il continue jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'à ce que vient l'heure du jugement dernier. Et il y en a qui donc ils disent, ils prennent ce hadith là puis ils disent pourquoi les ulama ils nous interdisent de faire, ils disent qu'on n'est pas capable de faire le jihad al-talab, hein, alors que le hadith dit que le jihad va durer jusqu'à la fin des temps. Ils disent que les ulama disent à notre époque on n'est pas capable de faire le jihad, et que notre période est plus semblable à la période de la Mecque au tout début de l'islam. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-jihad maadin ila an taqoum as-sa'a. Non. En fait, le vrai hadith c'est pas al-jihad maadin ila an taqoum as-sa'a. Le vrai hadith qui est rapporté selon Abi Daoud c'est al-jihad maadin منذ ba'athani Allah ila an yuqatila akhir hadhihi al-umma ad-dajjal. C'est-à-dire le jihad il va rester jusqu'à ce, depuis le temps que Allah m'a envoyé jusqu'à ce que les derniers de cette umma combattent le Dajjal. Donc ça c'est le vrai terme qui est mentionné dans le hadith selon Abi Daoud. Et il dit wa fi sanadihi Yazid ibn Nushba wa qala ibn Hajar fi at-taqrib majhul wa li hadha qala fi Fath al-Bari wa fi sanadi wa fi isnadihi da'f wa hadha al-lafz innama yadhkuruhu al-ulama fi kutub al-aqaid. Donc il dit que donc ce hadith l'imam Ibn Hajar dans Fath al-Bari il dit que l'isnad de ce hadith il est daif, et il dit que dans ce terme les mots qui sont employés dans cette expression on le retrouve surtout dans les livres de aqida, hein, que les ulama le mentionnent dans les livres de aqida, hein. Comment il s'appelle? Ammar. Ah oui, c'est ça, Ammar, inchallah. Tayyib. Donc ils disent pourquoi les ulama nous disent qu'on ne peut pas pourquoi les ulama nous disent qu'on ne peut pas à notre époque alors que le hadith mentionne que jusqu'à la fin des temps il y aura le jihad. Donc le cheikh il répond à ça, il dit oui, le jihad il reste, c'est à dire que il ne va pas être abrogé, le jihad va toujours être légiféré jusqu'à la fin des temps, il ne va pas être abrogé. Tant que, toutefois, il faut que les conditions du jihad et les préparations du jihad soient présentes. Si il n'y a pas les conditions nécessaires qui sont présentes, alors dans ce cas-là, le jihad n'est pas obligatoire et donc il n'y a pas de jihad dans ce moment-là. Donc, le cheikh, il dit donc, si les conditions nécessaires ne sont pas là et les choses nécessaires pour les préparations nécessaires ne sont pas présentes, alors on doit attendre jusqu'à ce que la force revienne et jusqu'à ce que les capacités et la préparation soient de retour chez les musulmans, puis par la suite ils combattent leurs ennemis. Mais il dit comme par exemple toi si tu as juste une épée ou une carabine, hein, une épée ou une carabine, tu veux combattre des missiles et des avions, il dit ça c'est pas possible. Parce que pourquoi? Parce que ça c'est une force très grande, une grande puissance. Tu peux pas combattre ces choses-là avec des épées puis des fusils ou des carabines. Donc il dit, lorsque tu as une préparation qui dépasse celle de ton ennemi, ou bien qui est comparable à celle-là, alors là tu peux les affronter. Mais sinon, tu ne peux pas. Donc tu peux pas les affronter en d'autres cas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 195 dans sourate Al-Baqarah, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, c'est-à-dire ne faites pas que vos mains soient vous amènent à votre propre perte, hein, donc fais pas, en fait en voulant dire ne va pas te jeter toi-même dans qu'est-ce qui va t'amener à ta perte, qu'est-ce qui va te tuer. Donc le cheikh il dit ça fait du tort aux musulmans plus que du bien, hein, si jamais il y aurait du bien là-dedans. Donc, pour le djihad talab, c'est-à-dire le djihad quand les musulmans ils font l'offensive, dans ce cas, cette sorte de djihad, il faut les conditions et les règles, comme on l'a dit. Pour le djihad défensif, dans ce cas-là, on se défend avec qu'est-ce qu'on peut. On se défend avec qu'est-ce qu'on peut. Bon, il y a beaucoup d'autres fatwas qu'on va lire, inshallah, dans l'avenir qui vont clarifier ces choses-là. En même temps, on voit que ça réfute certaines des idées des groupes des djihadis takfiri à notre époque qui enseignent n'importe quoi et qui disent des choses totalement opposées au Coran et à la Sunna à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on va continuer, on va lire ça un peu demain, encore quelques autres fatwas là-dessus, inshallah.